Lettre 32e, Junia Marcella à Larissa. Apamée, novembre 301. Cette lettre, ma chère Larissa, te parviendra à peine une couple de jours avant l'arrivée d'Apelles. Enfin, ses occupations lui permettent de te faire la visite qu'il te promet depuis si longtemps. Il te trouvera donc à Trachen, et non dans la société dangereuse d'un trop aimable ami. Je reconnais dans tout ce qui t'est arrivé la main bienfaisante de la Providence, qui n'a pas voulu te laisser plus longtemps une relation pleine d'illusions et de dangers. Agathoclès voyait plus loin et plus juste que toi. L'inégalité de son humeur, la tristesse dont tu te plains, n'était que la suite de ses réflexions sur votre situation et une preuve de son ménagement pour toi. Enfin, vous êtes séparés. Remercie le ciel au lieu de gémir. Je l'ai déjà fait avec Apelles et Théophon. Le premier se met en chemin, le cœur soulagé de n'avoir pas à t'affliger par un conseil sévère et de n'avoir plus à te donner que des consolations. Il te racontera bien des choses qui sont arrivées ici. Nous ne sommes plus aussi tranquilles. La haine de Galerius contre les chrétiens nous attire bien des peines. C'est presque un crime à présent d'être chrétien. Plusieurs se sont éloignés, les autres se tiennent cachés. Nous avons bien plus de malheureux à préserver et de pauvres à soutenir. Je fais ce qui m'est possible, mais que peut une femme, une veuve, lorsqu'il faut agir hors du cercle de sa maison? Si tu savais quel regret j'éprouve alors de la perte d'un époux adoré. Mais Dieu l'a voulu, et je ne dois pas murmurer. Apelles vous instruira de tout, et Démétrius verra qu'il n'est pas la seule victime de la haine et de l'injustice de César. Il vous communiquera aussi le plan sublime du respectable Héliodore. Tu te ressouviens sans doute de lui. Des nations barbares entourent de tous côtés l'Empire romain. Leurs mœurs simples et grossières, également éloignées de notre culture et de nos vices, ont depuis longtemps excité dans l'âme d'Héliodore le désir d'amener ces peuples sauvages par le christianisme à la plus belle des civilisations. Ils ne doivent pas commencer par connaître nos arts, nos besoins, notre luxe. La religion chrétienne, dans sa belle simplicité, doit prendre facilement racine dans le cœur non corrompu de ses enfants de la nature. Elle doit adoucir leurs vertus et leurs barbaries. Et s'il arrivait une fois, comme Héliodore le présume, qu'il fisse des irruptions chez les peuples civilisés, l'humanité en aurait moins à souffrir, et la véritable religion, soutenue par des victoires et par l'exemple des vainqueurs, se répandrait bientôt sur toute la terre. Il faut admirer la grandeur de ce projet et le courage qui lui fait mépriser les fatigues, les dangers, la mort même, pour aller instruire des sauvages dans les dogmes de notre sainte religion. Je n'en vois pas la possibilité, mais Héliodore est si pénétré de la beauté de ce plan et son zèle est si ardent qu'il peut à peine attendre le moment de faire les préparatifs de son voyage. Il va d'abord à Nicomédie, où il veut s'embarquer pour passer le pont Euxin et se rendre à sa destination chez les peuples barbares. Peut-être que tu le verras à Trachen. J'ai encore une chose à te dire que je n'ai point confiée à Apelles. Peut-être n'est-ce qu'un bruit public, mais je ne m'en crois pas moins obligé de te le dire. On assure qu'une inclination très tendre et très réciproque existait à Rome entre Agathoclès et cette Calpurnie, si belle, si séduisante et si légère. Que ce fut par l'ordre positif de son père qu'il quitta bien malgré lui une société si remplie de charme. Tu sais qu'ils s'écrivent, mais peut-être ignores-tu que le père de Calpurnie est nommé proconsul de Bithynie, et que, le printemps prochain, il part avec toute sa famille pour se rendre à son poste et s'établir à Nicomédie. Combien je m'estimerais heureuse si ces nouvelles pouvaient rendre le calme à ton esprit et diminuer tes regrets. Je serais bien récompensé du zèle que j'ai mis à découvrir tout ce qui regarde cet homme que tu croyais un phénix, et qui ne vaut pas mieux que les autres hommes. Que te croyant perdu à jamais, il se soit attaché à la belle Calpurnie, c'est tout simple, et tu ne peux lui en vouloir. Mais qu'après t'avoir retrouvé, il veuille te persuader qu'il t'aime encore, voilà ce qui le déshonore à mes yeux. Je m'informerai encore, et si j'acquiers quelques certitudes, je t'en avertirai. Lors même, ma chère Larissa, que tu en éprouverais d'abord un redoublement de chagrin, ce chagrin te sera utile et te remettra sur la ligne du devoir. Doit-on regretter un songe, une illusion? Non. Tu préfères, j'en suis bien sûr, de savoir la vérité, quelque triste qu'elle puisse être, et de sortir du labyrinthe où je t'ai vu si près de t'égarer. Adieu.